Bonjour, nous vous l'avons annoncé à plusieurs reprises sur notre antenne et chez nos confrères de la Tribune Républicaine. Nous allons ce matin vous diffuser ce documentaire sonore consacré à une partie de l'histoire industrielle de Bellegarde. À l'origine, un jeune Bellegardien, Simon Pochet, qui est allé à la rencontre d'anciennes ouvrières de l'imprimerie Sadag et la biscuiterie de l'Amandier. Trois témoignages, des témoignages qui auront servi à Simon Pochet de base pour son documentaire. Mais avant la diffusion de ce document, nous avons rencontré Simon Pochet pour nous expliquer la démarche. Interview. Pièce radiophonique sur le parcours de trois femmes ouvrières. On parle du passé industriel de Bellegarde. Ce projet est né comment ? Alors ce projet, il est né il y a environ 2 ans, fin 2017, quand j'ai eu l'occasion de répondre en fait à un appel à projet du Parc naturel régional du Haut-Jura. Un appel à projet qui s'appelait Paysages sonores. Donc c'était un appel à projet dédié à des musiciens, des artistes sonores, des créateurs sonores, des documentaristes. Et donc il se trouve que moi j'ai proposé la réalisation en fait d'une sorte de parcours sonore urbain grâce à une application sur téléphone mobile qui s'appelle Soundways, qui a été développé dans un collectif parisien, un collectif d'artistes sonores avec lequel je travaille à Paris, et qui en fait permet de réaliser comme ça des promenades audio guidées par le téléphone. Donc c'est-à-dire grâce à la géolocalisation du téléphone, on peut écouter des contenus audio en étant dans les lieux et en se promenant dans la ville, casque sur les oreilles. Donc moi mon désir c'était d'interroger un petit peu le passé industriel de la ville, enfin pas que le passé industriel mais la mémoire de la ville, et de proposer comme ça une narration sonore à travers des témoignages et des archives mises en son en les géolocalisant dans la ville, en pouvant les écouter en se promenant dans la ville. Donc j'ai commencé ce projet. Cet appel à projet m'a permis d'avoir un petit financement de départ qui m'a permis de commencer un petit peu mes recherches. Donc j'ai récolté comme ça un petit peu des archives. J'ai pas mal fréquenté au départ surtout la compagnie du groupe Mémoire qui ont un super beau stock d'archives et voilà qui m'ont aidé, soutenu, qui m'ont aidé aussi à trouver des contacts. Et puis j'ai réalisé comme ça une 8 ou 9 interviews d'anciens travailleurs ou travailleuses de d'usines assez emblématiques de la ville de Bellegarde, donc plusieurs usines. Au départ j'étais assez large, j'avais envie de travailler sur plusieurs usines, pas forcément une en particulier. Et puis très vite, je me suis aperçu que dans les témoignages que j'ai recueillis, donc c'est des longues interviews, c'est 2-3 heures d'interview, donc c'est des récits de vie en fait. Ça prend une après-midi quoi. Je demande aux gens de se raconter, partant de leur enfance jusqu'à leur retraite quoi. Quel parcours ils ont en fait. C'était ça qui m'intéressait, c'était de faire des portraits de gens. Et très vite, je me suis aperçu que dans l'histoire des industries à Bellegarde, la place des femmes était très importante. Parce que beaucoup d'usines à Bellegarde embauchaient majoritairement des femmes, en fait. La biscuiterie de l'Amandier, les cousettes de Le Jaby, la filature de la Lorze, la Sadag aussi, il y avait beaucoup de femmes, à moindre échelle que dans les autres usines que j'ai citées avant. Mais il y avait même chez Poterie, il y avait beaucoup de femmes qui étaient sur des tâches c'était pas forcément les boulots de force, mais les femmes avaient vraiment une place importante à une époque où il y a certainement pas beaucoup de femmes qui travaillaient non plus. Donc ça m'a assez intéressé très vite, et puis j'ai eu des témoignages, notamment celui de Janine Chapelle qu'on entend dans le documentaire. Janine, ce témoignage m'a beaucoup ému en fait. La lucidité qui est là sur la condition des femmes à l'époque, les femmes ouvrières, et puis l'énergie, la force de vie qu'elle dégage dans son témoignage, ça m'a vraiment ému, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'orienter un petit peu mon sujet sur le travail féminin. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Dans la pomme et le boléro, donc qui est la petite création qu'on vient d'entendre, d'orienter ça en choisissant parmi mes témoignages trois témoignages de femmes, deux entreprises assez emblématiques, la Sadag et la biscuiterie, et de croiser ces trois témoignages à une espèce de promenade mentale dans la ville, comme ça, qui dresse un peu une cartographie de la ville, une cartographie sonore de la ville. Et après, j'ai d'autres témoignages que j'ai pas forcément utilisés pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. Il y a cette petite pièce de 22 minutes qui va aussi être, du coup, qui va diffuser à l'Ajout, à la Maison du Parc, dans le cadre d'une exposition collective où tous les gens qui ont répondu à l'appel à projet vont exposer leur projet. Elle est écoutable en ligne. Elle passe sur Serge FM. Et puis, à côté de tout ça, depuis 2 ans, j'ai mené aussi en parallèle des ateliers avec des lycéens. Donc, aux côtés de M. Christophe Vitt, qui est professeur d'histoire géo au lycée, et puis d'autres professeurs aussi qui ont été impliqués dans le projet. Et donc, ces 2 dernières années, je suis venu pas mal à Bellegarde, fait pas mal d'allers-retours entre Paris et Bellegarde, pour mener... les lycéens ont réalisé 2 parcours sonores dans la ville, enfin, pas que dans la ville, dans la région. Donc, l'année dernière, on a travaillé sur les sentiers de la résistance. Donc, on a créé comme ça un petit parcours sonore dans différents lieux emblématiques de la résistance. Et cette année, les élèves ont travaillé sur un parcours sonore sur le passé industriel. Ces 2 parcours sonores, ils sont sur l'application Sunways, qu'on peut télécharger gratuitement sur le téléphone mobile et que tout le monde peut écouter. Du coup, j'invite les auditeurs, s'ils ont un smartphone, à télécharger l'application et à aller prendre un casque, prendre son téléphone et aller dans la ville faire les 2 parcours sonores. Le projet s'appelle Bellegarde Champ Sonore. Et dans Bellegarde Champ Sonore, on clique dessus et on a on aura 3 parcours sonores, les 2 qui ont été faits avec les lycéens, plus le mien qui est encore en cours de réalisation, mais qui est en fait la pomme et le boléro que je vais remettre dans la ville. Alors, une question brute de coffrage, la pomme et le boléro, ça signifie quoi ? Alors, la pomme et le boléro... C'est un titre effectivement assez qui intrigue. On se demande de quoi on parle. Et en fait, il se trouve que donc le témoignage de Janine dont je parlais juste avant, qui m'a beaucoup ému. Il y a 2 passages très importants et qui pour moi ont pris tout de suite beaucoup de sens. C'est donc le passage où elle raconte, elle parle des donc Janine qui a travaillé à la biscuiterie de l'Amandier dans ses jeunes années. Elle a commencé à travailler à 15 ans et jusqu'à ses 20 ans ou 22 ou 23 ans, elle a travaillé 7 ans je crois. Donc dans son plus jeune âge, elle a travaillé à la biscuiterie de l'Amandier. Elle raconte très très bien l'ambiance de travail du patriarcal, c'est-à-dire le rôle qu'avait le patron à l'époque, qui est un patron paternaliste en fait, et à quel point c'était une espèce d'amour-haine, c'est-à-dire à la fois des conditions de travail où le patron connaissait le prénom de ses ouvrières, il avait des très bonnes relations, il partait en vacances, il prenait louer des bus pour aller faire des visites, tout ça, et à la fois où en fait c'était pas la liberté, elle le dit comme ça, elle dit mais en fait un jour on s'est aperçu que c'était pas la liberté et que on était soumis, et donc la pomme, c'est cette question d'un jour le patron qui, le jour de ses 20 ans, les autres ouvrières lui chantent « On n'a pas tous les jours 20 ans ». Et donc le patron entend ça et il autorise Janine à manger une pomme. Parce qu'elle est en train de manger une pomme discrètement et il la voit et il lui dit « Ah, comme c'était 20 ans, je t'autorise à manger une pomme ». Et donc elle dit ça « C'était un cadeau pour mes 20 ans ». Donc elle le raconte comme ça d'une manière assez belle. Et après elle raconte qu'en fait c'était pas la liberté. Elle se rend compte que de son jeune âge, de sa condition de femme ouvrière, en fait, il y avait d'autres choses qui existaient et qu'on pouvait se libérer de tout ça aussi. Et donc le boléro, ça évoque ça. Ça évoque cette libération parce qu'elle raconte que le jour de ses 20 ans, elle a eu un petit poste, un point bleu, elle appelle ça, et que la première musique qu'elle a entendue, c'est le boléro de Ravel. Et elle raconte que le boléro de Ravel, le jour où elle a entendu ça, elle a compris qu'il existait quelque chose ailleurs et que ça l'a élevée en fait, tu vois. Et donc c'est la pomme et le boléro, c'est ça, c'est la contradiction que les ouvriers et les ouvrières de surtout de ces époques-là, qui étaient enfermés dans leurs conditions d'une certaine manière, c'est cette contradiction on va dire pas de la soumission, je dirais pas ce mot-là, mais en tout cas d'accepter sa condition et en même temps de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous permettent de nous élever en fait. Donc c'est ça, ça raconte ça. Simon, le choix de ces 3 femmes ouvrières, c'est pas le fruit du hasard. je suppose qu'il fallait faire un choix. Et puis se dire, voilà, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais prendre, c'est ça que je vais couper. Parce qu'une matinée, par exemple, d'interview, après, il faut découper, il faut ceci, il faut cela. C'est pas le fruit du hasard. Alors, tu veux dire le choix dans les témoignages dans, que j'ai recueillis ou dans ceux que j'ai choisi de garder ? Dans le choix que tu as décidé de garder, oui. Parce qu'effectivement, j'ai récolté 8 témoignages. Ouais. Et puis, j'ai aussi récolté des archives sonores qui avaient été enregistrées dans les années 80, fin des années 80 par la MJC, par monsieur Sureau et monsieur André Turc, qui avaient fait un travail d'interview comme ça aussi. Donc j'ai eu accès à ces vieux enregistrements qui étaient sur cassette audio, bon, qui m'ont pas forcément beaucoup servi, mais qui m'ont nourri quand même pas mal. Et puis après, dans les gens que j'ai rencontrés, toutes les interviews étaient très touchantes et très belles. Et je pense que dans le parcours sonore apparaîtront plus de personnes que là dans la création de la Pommel Boléro, il y a seulement 3 personnes. Mais pour la Pommel Boléro, bon, j'avais quand même une contrainte de temps. Hein. Oui. Il faut dire que la pièce que je devais faire pour le parc naturel régional, c'est celle-là, elle devait pas durer plus de 20 minutes. Donc bon, là, elle en dure 22, donc j'ai un petit peu dépassé déjà. Donc je pouvais pas me permettre de raconter les 8 personnes que j'ai rencontrées. Donc j'ai fait le choix de choisir ces 3 femmes, comme je te disais tout à l'heure, parce que je me suis dit que le travail féminin était un angle intéressant. Et puis parmi les femmes que j'ai rencontrées, les 3 témoignages qui ont été les plus beaux, c'est ceux que j'ai choisi, c'est les 3 que j'ai choisi. Donc je dis qu'il y en a 3, mais en réalité il y en a plutôt 2, parce que en fait l'interview de Evelyne et Odette, donc qui ont travaillé toutes les deux à la SADAG, ont été faites en même temps. C'était une interview croisée entre les deux en même temps. Donc c'est 2 interviews. Et voilà, ça parle de ce que je viens de dire avant, hein, de cette question de la condition des femmes ouvrières à l'époque. Mais pour ce qui est de la SADAG, c'est complémentaire du témoignage de Janine. Donc Evelyne et Odette, elles ont travaillé à la SADAG avant que ça devienne une coopérative. Donc Odette, elle est arrivée en 1955 et Evelyne en 1945, si je ne me trompe pas. Peut-être je me trompe, mais tu pourras couper ça. Elles sont arrivées bien avant que la SADAG devienne une coopérative. Donc la SADAG est devenue une coopérative, si je ne me trompe pas, en 63 ou 64. Donc l'usine allait fermer, en fait. Et donc elles ont connu le moment où l'usine allait fermer parce que le patron de l'époque prenait sa retraite. Mmh. Et puis il y avait monsieur Roger Leroy qui en fait avait été assez important dans les syndicats du livre, enfin il était très engagé dans les syndicats, et donc il avait été en contact avec les syndicats du livre de Paris qui lui avaient proposé de reprendre l'usine en coopérative. Et donc Odette et Evelyne, elles ont connu ce passage-là où les ouvriers de la SADAG, les cadres aussi, hein, pas que les ouvriers, tout le monde, tous les travailleurs de la SADAG, décident en fait ensemble de reprendre l'usine. Donc c'est-à-dire d'investir une part de leur propre argent pour investir le capital de l'entreprise et permettre que l'entreprise ne s'arrête pas, elle continue de vivre. Et elle a quand même vécu encore jusqu'en 2005, donc elle a fait de longues années. Et donc la coopérative, ça a été une très grande aventure, et je trouvais ça important pour parler justement du travail. Je trouve ça assez emblématique des usines belgardiennes, en fait, cette histoire-là. Et puis bon, il se trouve que c'est aussi plus personnel. Mon père ayant travaillé pratiquement 35 ans dans cette usine, quand elle a fermé, ça a été très dur. Donc voilà, je pense qu'il y avait quelque chose aussi de rendre hommage à cette usine-là en particulier. Et puis la biscuiterie de l'Amandier, parce que voilà, je pense que c'est une usine assez importante dans l'histoire de la ville, d'autant plus qu'elle est construite, elle a été construite dans le même bâtiment que le barrage du Mont, qui est quand même un lieu emblématique de la ville, dans le sens où c'est un lieu qui a fait naître la ville quelque part. Avant 1880, il n'y avait pas grand-chose à Bellegarde. Et le barrage du Mont a permis l'électrification de la ville, a permis tout ça. Donc ça s'inscrit, voilà, le choix de ces 2 lieux et de ces 3 témoignages était dans cette logique-là de parler de Bellegarde d'une autre manière, de cette manière-là, quoi. Moi, j'aimerais savoir une chose, c'est dans quel état d'esprit ces personnes-là, qui sont plutôt jeunes, ont été rencontrées. Est-ce qu'elles se sont livrées facilement? Est-ce qu'elles ont eu beaucoup d'émotions en évoquant tous ces souvenirs? Parce qu'un premier contact, c'est jamais facile avec des personnes qui ont un certain âge, quand même. Effectivement, tu as raison, c'est jamais facile. Et puis, alors, c'est pour ça que... Alors déjà, La première réponse, c'est que quand même... alors moi, je suis d'origine de Bellegarde. J'y habite plus aujourd'hui, hein, mais voilà, mes parents habitent la région. J'y ai grandi, j'y connais beaucoup de monde. Et donc, c'est vrai que si j'avais fait ça sur un territoire où je connaissais personne, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, il se trouve que la plupart des gens que j'ai interviewés, c'est des gens que je connais de près ou de loin, que ma famille connaît de près ou de loin, ou qui m'ont été recommandés par des personnes de confiance. C'est donc c'est là que je reparle du groupe Mémoire aussi, par exemple Christian Marère m'a permis de rencontrer Pierre Agazzoni, qui a été l'inventeur du tube en alu des usines de Châtillon, Aérocan, non ? Aérocan, qui a changé de nom plein de fois, mais c'est là-bas qu'a été conçu pratiquement les premiers tubes aérosols en France. Et donc Pierre Agazzoni, c'était le technicien de M. Potry à l'époque, et c'est lui qui a conçu les tubes aérosols. Et donc, on a fait une longue interview avec lui qui est hyper intéressante aussi. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé en tant que matière à écouter. Pour l'instant, c'est juste une très longue interview, mais qui est passionnante, où il raconte comment il a conçu tout ce travail-là. Donc, j'ai été recommandé, ou alors c'est des gens que je connaissais de près ou de loin. Donc, il y avait déjà une confiance qui était installée, si tu veux. Et puis ensuite, je pense que c'est aussi le temps long. Quand on fait une interview de 3 heures, alors on commence par de 2 heures. Alors, ça peut paraître très long comme ça. Et en même temps, au début, on s'en tient aux choses un peu banales. Et puis, on rentre un peu en profondeur dans les émotions. On rentre dans les émotions. Donc, je pense que c'est pour ça que aussi, on ressent cette émotion surtout chez Janine, parce que Janine a une manière de s'exprimer qui est beaucoup dans l'émotion et qui est très émotive, en fait. Il y a une force, quoi, dans sa manière de s'exprimer. J'ai oublié le début de ta question. Non, c'est savoir quels étaient les premiers contacts, et puis en même temps les moments les plus émouvants, parce qu'il y a forcément des moments très émouvants avec ces personnes-là quand elles se rappellent, quand elles bossaient, etc. C'est ça, exactement. Il y a eu des moments où on a regardé des photos ensemble, où je pense que c'est pas évident de se rappeler de souvenirs si anciens, et souvent ces personnes, elles n'en ont pas parlé depuis longtemps. Oui. Alors, elles en parlent peut-être à leur famille de temps en temps, mais là, le fait de retomber dans une chronologie où je leur demandais de partir de leur enfance et de se raconter. Donc, c'est vraiment un travail qui n'est pas forcément évident. Et puis, il y avait des allers-retours, hein, c'était pas chronologique. Mais c'est vrai que on comprend mieux. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie qu'on parle de gens qui ont simplement mené leur vie d'une manière. J'avais pas envie qu'on parle de gens extraordinaires, j'avais pas envie de parler des choses extraordinaires, j'avais juste envie de parler de simples personnes. Il y en a des milliers, mais pas qu'à Bellegarde, partout en France, mais voilà, j'avais envie de parler de simples personnes qui sont des descendants aussi d'immigrés, qui sont des gens, parce que les ouvriers qui sont venus travailler à Bellegarde, c'est quoi? C'est des paysans qui habitaient les villages autour de la ville, c'est des paysans qui venaient de toute la France, c'est des émigrés italiens, c'est des émigrés espagnols, c'est des émigrés maghrébins. C'est tout ça qui constitue l'histoire de la ville et qui fait qu'on est là, enfin que les Bellegardiens sont Bellegardiens aujourd'hui, c'est que leur grand-père ou leur père est venu travailler ici, parce qu'avant le 19e siècle, il y avait personne ici. Enfin, il n'y avait pas grand monde, il y avait des petits villages, quoi. Simon, est-ce que c'est ça qui fait la richesse, quelque part, de Bellegarde, ce mélange avec des Portugais, des Italiens, des Espagnols? Moi, je le pense vraiment, et je pense qu'il y a une... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'habite plus à Bellegarde, je vois ça avec un regard un peu extérieur, mais je pense, dans l'enfance que j'ai eue ici, je vois qu'il y a une richesse associative qui existe toujours. Il y a des communautés qui sont encore fortes, et il y a des choses il y a des échanges entre tous ces mondes-là. Et puis... je pense que oui, c'est une richesse et qu'il faut continuer de la mettre en valeur. Et je pense aussi qu'il faut, raconter l'histoire des industries, de raconter l'histoire de Bellegarde. C'est pas forcément tomber dans la nostalgie ou dans le passéisme. C'est juste prendre conscience d'où on vient, en fait. Et puis ce qui permet, aussi à la ville de pouvoir se réinventer, s'intéresser à l'histoire. Ça, je trouve que cette histoire-là, c'est important de le mettre en valeur pour justement se dire qu'on peut aller de l'avant et qu'on peut construire des belles choses, quoi. Sur un travail de 1, 2 ou 3 heures d'interview, comment est-ce qu'on fait un découpage? Comment est-ce qu'on se dit, tiens, ça je vais le prendre et ça je ne vais pas le prendre? Le documentaire fait 22 minutes. Sur quelques heures d'enregistrement, c'est un boulot qui se fait comment, ça? Bah, c'est vrai que c'est fastidieux. Ça passe déjà par une première réécoute et puis ensuite une sélection thématique, on va dire. Donc c'est vrai que dans les interviews, bah, voilà, il y avait des thématiques qui revenaient. Alors il y avait tout ce qui était de l'ordre du parcours personnel de chaque personne, c'est-à-dire, bah voilà, moi j'ai grandi là, j'ai habité là, je suis venu m'installer à Bellegarde parce que voilà, j'ai commencé à travailler à 15 ans, c'était la guerre, voilà, tous ces récits-là. Donc ça, c'est des premiers blocs qui apparaissent un petit peu dans le documentaire. Et ensuite, il y avait des choses plus dans l'ordre des conditions de travail. Bah voilà, tout ce chapitre sur la coopérative, ce chapitre sur le paternalisme à l'usine de Lamandier, ce chapitre sur, bah voilà. Donc et puis dans chaque usine, il y avait des spécificités. Donc par exemple, j'ai eu des interview de personnes qui ont travaillé à la papeterie d'Arblay aussi. Donc chaque usine, c'était des thématiques en soi. Donc le découpage, il s'est fait comme ça petit à petit. Et puis une fois que j'avais ces petits blocs thématiques qui étaient prémontés, entre guillemets, mais déjà ça m'a pris beaucoup de temps, il s'agissait d'épurer et de garder l'essentiel, quoi. Et c'est vrai que ça se fait pas en une fois, ça se fait en plusieurs étapes. Et c'est fastidieux. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille. J'ai fait des études en anthropologie où on m'a appris à faire des très longues interviews pour aller en profondeur, en fait. Et puis ensuite, on épure et on garde l'essentiel. On garde ce qui est beau, ce qui est émotif, ce qui est vrai, en fait. On garde pas le superficiel, quoi. On enlève le superficiel et on garde ce qui est important. Simon, là, on s'attaque à l'humain et la question vient. Ben voilà, tu me tends la perche. Quel a été ou quel aura été, et c'est peut-être pas fini, le moment le plus émouvant dans les trois interviews que tu as faites de ces personnes qui ont bossé dans les usines? Est-ce qu'il y a un moment où vraiment la gorge était serrée? Je reviens encore sur l'histoire de Janine, ouais. Mais ma rencontre avec... Alors, j'ai pas rencontré Janine seule, j'ai rencontré avec son mari, Paul, et ma rencontre avec Janine et Paul, ça a été, je crois, la première ou la deuxième interview que j'ai menée, et ça a été... une très très belle rencontre. Donc oui, là, je peux dire qu'en sortant de cette interview, je me disais, je me suis pas trompé. C'est intéressant, je peux en faire quelque chose, quoi. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans un projet, on sait jamais trop où ça va nous mener. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que si on parle de l'ambition du projet que j'avais au départ et tel qu'il est aujourd'hui, c'est sûr que je pense que j'aurais aimé lui donner plus d'ambition, y associer plus de gens. Voilà, mais c'est vrai que n'habitant plus ici, c'était pas forcément évident pour moi de revenir. Voilà, j'ai déjà fait beaucoup d'allers-retours, mais j'ai pas pu. Voilà, peut-être j'ai donné moins d'ambition que ce que j'aurais pu fantasmer ou imaginer au départ. Mais en sortant de cette interview avec Janine et Paul, c'est vrai que je me suis dit, là, il y a matière à faire quelque chose, c'est intéressant et il faut le faire, quoi. Ça m'a paru indispensable, en fait, de le faire à ce moment-là, tu vois. De là, je me suis dit, il y a quelque chose, qu'il faut y aller, quoi. Mais c'est sûr qu'on a des doutes, et puis on sait pas trop, quand on commence un truc comme ça, on sait pas trop où ça va nous mener. Et voilà, et je pense que, là, je te dis que j'aurais aimé lui donner plus d'ambition, mais je pense que c'est un projet qui pourra se poursuivre, en fait, peut-être dans d'autres moments de ma vie, en fait. Peut-être que là j'y mets un point virgule, on va dire, dans le sens où il y a cette petite création de 22 minutes, il y a les deux parcours sonores qui ont été réalisés avec les lycéens, et pour l'instant je laisse ça en suspens. J'ai des belles interviews que j'ai pas encore utilisées, et je pense que tout ça pourrait être mis en valeur dans d'autres cadres ou d'autres choses, quoi. J'allais poser la question, 22 minutes, j'ai trouvé ça très court. Il y aura une suite parce qu'il y a encore de la matière. Il y a encore de la matière. Alors après, cette matière-là, ces 22 minutes qui peuvent paraître courtes, effectivement, c'est quand même plusieurs, j'allais presque dire semaines de travail. Oui, oui, oui, oui. Donc déjà, voilà, je te disais, d'épurer, de choisir l'essentiel. Et puis, bon, là, j'avais la contrainte du temps. Peut-être que je me serais permis de le faire durer plus longtemps si j'avais pas eu cette contrainte des 20 minutes. Mais je pense que je serais pas allé au-delà des 30 minutes pour le moment. Après, il y a matière à faire d'autres choses, mais ça nécessiterait quand même de rencontrer des nouvelles personnes encore, donc pas de repartir depuis le début, mais de continuer, en fait, le travail. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, là, je suis sur d'autres projets aussi, dans d'autres contextes ailleurs en France, voilà. Donc j'ai pas ni le temps ni l'argent pour le continuer pour l'instant. Oui, parce qu'il faut des financements, parce forcément. Qu'il faut des financements, et puis c'est vrai que ça peut vite être cher et fastidieux, mais en même temps, voilà, j'ai pas réussi à mobiliser autour de moi suffisamment d'énergie pour, parce que c'est pareil, c'est un projet, quand on porte tout seul, c'est pas forcément évident. Donc, j'ai essayé, voilà, au départ, de mobiliser un peu plus de gens. Ça n'a pas forcément été évident. Mais finalement, j'y ai trouvé mon compte dans la collaboration avec l'équipe du lycée, où vraiment, en fait, j'ai réussi à faire résonner ce travail que j'avais commencé à mener, des interviews avec la génération, la nouvelle génération, ouais. avec les lycéens. Et en fait, ce qu'on a fait, donc, il y a eu ces deux parcours sonores, mais on a eu, cette année, on a aussi procédé à un travail d'écriture d'une théâtrale, inspiré en fait des interviews que j'ai menées, entre autres, et de documents d'archives, où en fait on a fait écouter des extraits des interviews aux élèves, et de ces extraits ils ont écrit des scénettes de théâtre. Donc tu vois, tout ça, voilà, j'y ai trouvé du sens finalement, et à travers cette petite création là, à travers tout ce travail qu'on a mené avec les lycéens, j'ai le sentiment d'arriver au bout de quelque chose quand même, même si j'ai pas mis toute la matière au travail. Et c'est ce que je te dis, c'est que cette matière-là, peut-être qu'à un moment, j'aurais envie dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, je la reprendrai, quoi, tu vois. Mais justement, il n'y aurait pas quelque chose à faire, je ne sais pas, on peut tout imaginer, avec le groupe Mémoire qui bosse sur l'histoire de Bellegarde. Il n'y a pas une essence de projet qui pourrait se faire, je ne sais pas. Bah, ça a été envisagé, hein, à plusieurs reprises, en fait. On avait l'idée que le parcours sonore que moi j'avais imaginé au départ se couple à une série de photos. Ouais. De mise sur des panneaux durables, enfin qui resterait, enfin qui serait fabriqué dans une matière qui pourrait résister à, voilà, qui ferait des points d'écoute qui s'associeraient à des photos et à du texte. Donc après, voilà, c'est toujours la même question, c'est qui finance, comment, voilà. Donc ça a pas vu le jour pour l'instant, ça a été évoqué. Donc de toute façon, le groupe Mémoire, on reste en communication, et le travail que j'ai mené, ils y sont associés aussi d'une certaine manière. Voilà, je leur ai pas encore envoyé la version définitive, mais j'imagine, j'espère qu'ils l'écouteront sur les ondes de Sorge FM. Donc c'est sûr qu'on peut imaginer plein de choses, et je serais preneur, hein, d'autres propositions. Mais voilà, pour l'instant on en est là, et puis je trouve que c'est, voilà, déjà une matière qui peut parler, et elle va résonner aussi, parce que je vais certainement au début juillet aussi intervenir dans les maisons de quartier à Bellegarde pour faire découvrir la Pommel Boléro et le parcours sonore réalisé par les lycéens à des jeunes de différents quartiers de Bellegarde, des jeunes et des familles aussi. Donc voilà, enfin, ça va se diffuser d'une certaine manière, et il va y avoir certainement aussi un petit article dans le journal. Donc voilà, j'espère que les gens iront écouter, et puis se feront une petite idée de la chose, quoi. Merci Simon. Mais merci à toi, Robert. Voilà pour cette interview avec Simon Pochet. Place maintenant au documentaire qu'il a réalisé, un documentaire intitulé « La pomme et le boléro ». C'est-à-dire que bon, on aimait ce qu'on faisait. Moi, ce que je voulais, ben, je voulais des sous. On embauchait bien, c'était beau. On était 3-8, c'est-à-dire. On était une boîte assez libre. Et puis, il y avait la pointeuse. Alors, je suis rentrée à la danse, j'étais contente. Malgré qu'on ait travaillé en musique. Mais on n'a jamais quitté Bellegarde. Moi, je suis, pour ainsi dire, citoyenne de Toutes Bellegarde. Ces machines, c'était tout dans la même pièce. Bien sûr, je gagnais ma petite paye. C'est vrai qu'on n'était pas toujours au confort, hein. Et midi 8h et 8h 4h. Ce qu'on avait, hein. Il fallait quand même qu'on soit costaud. La pomme et le boléro. Une création sonore documentaire de Simon Pochet. Avec la participation de Janine Chapelle, Odette Chekatsi et Evelyne Rivet. Réalisé dans le cadre de l'appel à projet Paysages sonores, à l'initiative du Parc naturel régional du Haut-Jura. Une création Maki Sapadoc. À Alors, en premier, bon, ben, déjà, je ne suis pas bellegardienne. Je suis née à Marseille, avant-guerre, en 1932. Donc, il y a longtemps. On a dû fuir de Marseille en 1940. Bruit de guerre, plus que bruit de guerre, j'étais déclarée. On s'est retrouvés chez les grands-parents, au village de Cra, pour passer un mois de vacances. Et il se trouve qu'on y a passé tout le restant de notre vie. Avec ma sœur, donc on était deux petites filles. Et cette grand-mère nous a élevées comme dans le temps. Parce que ce qu'elle nous apprenait, c'est qu'il y avait deux mondes. Il y avait les riches, les pauvres. Et nous, on faisait partie de la basse classe. On ne savait pas ce que ça voulait dire, nous. Hein, parce que je l'ai appris tout au long du parcours. Alors ça, c'est déjà, ça pose les situations sociales. Voilà. Ensuite, pour moi, mon parcours, c'était très simple. On est allé à l'école au village. Au village, on a été accepté avec un accent marseillais à couper au couteau et où vraiment, on s'est fait ficher de nous. Hein. On l'a perdu en très peu de temps. Notre orgueil étant très touché. Ensuite, donc, à l'école, pour moi, zéro l'école. Je n'étais pas disciplinée et aucun goût. Et puis, à 14 ans, j'ai eu le certificat d'études. La maîtresse d'école m'a dit que je ne le méritais pas, mais je lui ai dit que je m'en foutais. Alors, donc, notre maman est partie chez une tante à Bellegarde et moi, je suis allée avec elle chercher du travail. D'abord, comme petite bonne, donc je ne suis pas restée très longtemps, 9 mois, parce que j'ai quand même un foutu caractère. Et j'en suis très consciente. Et donc, je ne pouvais pas tout accepter. Et quand j'ai compris que, bon, que j'étais exploitée, qu'enfin, voilà, alors j'ai commencé par vouloir laver le linge. Hein. Et puis, bon, ben, ça fait pas mal de bruit. J'ai même connu la patronne qui était à côté de moi avec une baguette pour me faire refrotter le linge que j'avais. Voilà, c'est toute une époque qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la biscuiterie. Donc, j'avais exactement 15 ans. Je suis d'une famille de 7 enfants. J'étais là, l'avant-dernière. Papa était dans l'Est, travaillait dans les mines. Malheureusement, elle en est décédée. Et maman est restée seule avec 7 enfants sur les bras. À l'époque où il n'y avait ni allocation, ni rien, aucune aide. Il se fait qu'on est... On est parti à la mort de papa, on est parti de l'Est pour venir à Bellegarde, où là, il y avait énormément d'industries. On est venu ici en 1936. J'avais ma grand-mère qui nous a reçus, et ensuite, on a été logés aux cités des HLM. Et mes sœurs et maman ont pu travailler à la Lorze, qui a permis d'avoir une vie beaucoup plus normale et l'argent rentrait un peu plus facilement. Et... Je rentrais à Sadag, mais c'est vrai qu'à Sadag, on n'y rentrait pas si facilement. C'était une entreprise à ses côtés. Et j'y suis rentrée en septembre 1945. J'avais combien ? Ben, en 45, j'avais 15 ans, hein. Et moi, j'y suis rentrée parce qu'il y avait ma sœur, il y avait mon frère, ah oui, ah il y oui. avait mon beau-frère. Alors, ils n'ont pas eu de problème pour m'embaucher. Voilà. Je vous dis, c'était une chance qu'on puisse venir ici à Bellegarde pour, parce qu'il y a du travail pour les femmes. Hein. Voilà. C'était pour ramener un peu d'argent à la maison, voilà. Parce que le mari ne pouvait pas se permettre de nourrir la famille. Hein. Moi, voilà. J'avais qu'un enfant. Hein. Mais bon, on s'organisait. Hein. Le regret de ma vie, ça a été de travailler quand il était petit. Ça, je ne le dirai jamais assez. Mais, oui, c'est... Mais je regrette. Même quand je l'ai mis à l'école, vous rappelez, Lynn, je me pleurais tellement que la contresse-messe m'a dit « Oh, écoute, rentre chez toi. » Mais enfin, je crois que pour beaucoup de femmes, c'était le cas à cette époque-là. Carte mentale d'une promenade en ville. Bellegarde. Ville-porte. Ville frontière, confluence du Rhône et de la Valserine, carrefour ferroviaire. La ligne Lyon-Genève. Paris-Genève. La gare TGV. le va-et-vient des trains quotidiens, les douaniers, la Suisse, les travailleurs frontaliers. Avenue de la gare, ravalée et fleurie, immeuble Belle Époque. La ville aux quatre ponts. Le pont du train, le pont du tram, le pont de Savoie, et plus loin, le pont de l'autoroute du Mont-Blanc, dominant la ville entière de ses grands piliers de béton. Le passage incessant des voitures et des camions, de la route de Genève, le gris et les façades colorées. Rue Paul Painlevé, place Victor Bérard, le nouveau revêtement des trottoirs, les vitrines défraîchies, le restaurant Le Moderne et le nouveau parking. Dominé par les sommets, le Sorgia, le Grand Credo, les Monts Jura, la ville a aussi les pieds dans l'eau, le Rhône, grand fleuve boueux, et la Valserine, la belle qui descend des montagnes. À l'abri des regards, la cheminée en briques rouges et les bâtiments en ruine de la biscuiterie de l'Amandier et de l'usine électrique du Chanteau sont perchés au-dessus de la rivière. La houille blanche, la fée, l'électricité. Ensuite, donc, à la biscuiterie. À 15 ans, donc, rentrée là, mais c'était la panacée, déjà des biscuits. Bon. Et j'ai gardé un souvenir excellent de ce passage à la biscuiterie. C'était une époque où on chantait, et on travaillait, hein, on bossait vraiment. Et j'y suis restée 7 ans. Déjà, elle est située dans les pieds de la Valserine. Mais c'était très, très, très rustique, vraiment. Il y avait, nous, on voyait les rats, hein, il y avait des rats. L'hygiène, c'était... les toilettes étaient suspendues au-dessus de la Valserine, n'est-ce pas ? C'était très poétique. Tout de suite en rentrant, c'était les bureaux. Et donc, on descendait là. Donc, nous qui faisions la fabrication, les biscuits marins, donc, il y avait un grand tapis énorme d'un bout à l'autre du bâtiment. Au bout, il y avait donc le pâtissier, si on peut dire. Ensuite, les biscuits arrivaient sur des tapis roulants. Enfin, ils étaient cuits, tout, ils arrivaient. Et nous, au bout, les deux, on était deux filles. Eh bien, il fallait les attraper. Ils étaient bouillants. Comme ça, tout chaud. Hop, hop, hop. Alors, fallait. Voilà, puis, des fois, ça nous dépassait. Mais il fallait pas. Mais c'est pour ça qu'ils mettaient les jeunes. Les anciennes, elles tenaient à leur chaise. Alors, elles les emballaient, les biscuits. Mais nous, on les recevait au bout du four. Et puis après, ça devenait. On était des automates. Voilà. On était des automates. Et ma mère s'est jamais restée très souvent. Et même des fois, quand je rêve, je me vois entre les petits biscuits. Et ces dames, donc, c'était que des femmes, là, hein. Alors, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes, c'est vrai. Donc, mais il y avait bien les blouses blanches et les blouses bleues. Il n'y avait aucune espérance d'évolution. Voilà. Si vous voulez, nous, déjà, on était contents d'avoir trouvé du boulot. Parce que on sortait de la guerre. Il n'y avait rien à manger. Et en rentrer dans une usine où, en somme, tu étais considéré comme une ouvrière... À l'atelier, nous on était à l'atelier de finition. On était plus d'une trentaine. Non, parce qu'après c'était les hommes en bas. Vous aviez la photographie, vous aviez le polissage, vous aviez après la composition, ensuite vous aviez les machines, la typo, l'offset, les liogravures. Et ça c'était la préparation de l'ouvrage. Et nous on était à la finition. On faisait des beaux bouquins. Hein. Bon, en 60, on était ouvrière, hein. C'était une entreprise. Et en 65, l'usine allait fermer. Il n'y avait pas de repreneur. Et au moment 65, il y avait les syndicats du livre de Paris qui avaient proposé de reprendre l'affaire en coopérative. Donc après, on a été obligé de prendre départ. Vous voyez, en étant coopérateur, on faisait partie de l'entreprise, donc il a fallu verser des parts. Et puis bon, voilà, alors apprenez à travailler, parce que c'était pour nous, en somme. Hein. Mmh. Automatiquement, c'était notre affaire. Hein. On avait, il faut dire, on avait la foi. Hein. C'était notre avenir. C'était hein. notre avenir. Notre c'était avenir et notre gagne-pain. Hein. Voilà, voilà. C'était notre gagne-pain. Et puis, il y avait le bureau du patron. Et donc, il était là, et puis il nous observait. Donc, l'époque, c'était l'époque patriarcale, c'est-à-dire le patron, c'était le... C'est pas le boss, hein. C'était un peu le papa. C'était bien, on était bien, si... voilà. Il y avait une ambiance, il y avait une reconnaissance. Parce que le patron, il s'arrangeait quand même toujours pour nous appeler par nos noms, nos prénoms. L'atelier de couture est en fête, on oublie l'ouvrage un instant, car c'est aujourd'hui que Marinette vient juste d'avoir ses 20 ans. Trottin, petites mains et premières ont toutes apporté des gâteaux, et Marinette offrant le porto, dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous a... Et pour mes 20 ans, j'ai eu 20 ans dans cette usine, et bien c'est un jour de semaine évidemment, puis je me rappelle, bon, les filles me chantaient, on n'a pas tous les jours 20 ans, on chantait ça à tue-tête, c'est pas la chorale ici. Il était formidable, le patron, parce que je ne sais pas comment, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose, et je mangeais une pomme, comme je pouvais... t'attrapes les biscuits chauds, puis les mettant, machin. Il m'a dit, va t'asseoir et mange ta pomme. Voilà, tu vois, c'était peu. Mais pour mes 20 ans, c'était un cadeau. Je me suis rendu compte après que, c'était pas la liberté. Prendre conscience qu'on est donc des individus à part entière, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi le droit de vote pour les femmes, il y a eu un tas de choses. Et à partir de là, un syndicat s'est monté et on a fait valoir nos droits. Et ça a quand même beaucoup dérangé. Enfin, ça a beaucoup dérangé en ce sens que, pour moi, si je parle de ce que j'ai vécu et ce que je ressentais, pour moi, je me disais, mais pourquoi on ne peut pas parler au patron comme je parle à ma copine ? Au niveau relationnel, on n'avait aucune liberté. Et ça, j'ai reconnu ça dans d'autres endroits après. Hein. Bon, les syndicalistes commençaient à montrer les dents hein, en disant qu'on était exploités. Donc, moi, je savais déjà un peu ce que c'était parce qu'ayant été placée petite bonne, je savais ce que ça était que l'exploitation. Et effectivement, le syndicat, pour moi, c'était formidable, le syndicat. Parce que justement, tu pouvais parler au patron comme si c'était un homme, une femme. Voilà ce que nous, on ne nous avait pas appris. Parce que quand tu es de la basse classe, tu ne peux pas parler à la haute. Hein? Et ça, chez ma grand-mère, c'était très, très, très profond dans son éducation qu'elle nous a donnée pendant les 5 ans qu'on est resté chez elle. À partir de là, donc, on avait déjà une mentalité. C'est pas. C'était presque. Il fallait être soumis. Septième jour d'occupation au siège du fabricant de lingerie Le Jabi à Rieux-la-Pape. Les salariés de Bourg-en-Bresse et Bellegarde font du bruit contre le plan social qui prévoit la fermeture de leur site et la suppression de 197 emplois. Sur place, le moral reste bon et la mobilisation ne faiblit pas. On a eu fait des grèves. Ah oui, bien sûr. La vie était voilà. Ce qu'elle était. Hein. Il y avait des augmentations aussi. Le pouvoir d'achat comme était un peu bas. C'était pas facile, mais on gagnait tout le temps. Oui, c'est vrai. On avait souvent des réunions à la Bourse du Travail. Oui, ça m'intéressait beaucoup. Tous les mois, j'allais avec mon petit carnet, mon timbre. J'allais récolter les cotisations de chacun. Et finalement, ça marchait bien. Hein. Ah, oui. On avait un syndicat qui marchait très, très bien. Un des meilleurs. De Bellegarde. Ah, mais oui. Tout le monde était syndiqué. Hein. Tout le monde était syndiqué. Oui. Et tout ça, la papeterie, la Lourdes, Si vous aviez vu ces manifestations, oh, Myriade. Ouais. C'était immense. Oh, mais c'était... La ville. Et vous savez, ça concernait tellement de monde. Ah oui, après ça finissait à la salle des fêtes. Oui, c'était voilà. Pour éviter la fermeture de ces entreprises, parce que la papeterie, c'était énorme, hein. Il y avait presque 400 personnes. Et puis la lourde énorme, mais c'est aussi, hein. Elles ont toutes fermé les unes derrière les autres. Le moindre petit atelier, hein. Ah oui. Oh là là, il y a alors après, ben oui, voilà, il y a la Suisse, heureusement. Le paysage a changé, oh là là. Beaucoup, oui. Enfin, ça fait beaucoup d'années. Place Henri Dunant. Les tours HLM. Le calme des berges du fleuve, aux odeurs de limon. Les pylônes de la télémécanique, les traces de ce qu'il y a sous l'eau, noyé il y a longtemps par la montée des eaux du barrage de Génicia. Bellegarde l'industriel. Des usines de lingerie, de fil, de papier, de matériel de camping en alu et de rubans adhésifs. Des usines qui sentaient le bois, le coton, le soufre ou le métal en fusion. Le théâtre de verdure et les vestiges de la papeterie d'Arblay. Rue des Papetiers, rue Ampère, rue Georges Marin, rue de la Filature. De nouveaux immeubles sans âme ont remplacé les friches. Et Carrefour Market occupe les bâtiments de l'ancienne filature de la Lorze. Le rond-point de Savoie et sa fresque colorée. La maison bourgeoise du patron de la filature. Rue de l'Industrie. Les bâtiments de l'ancienne imprimerie coopérative Sadag, fermée en 2005. Cernée entre la voie ferrée et le grand pont de l'autoroute. Le terrain vague laissé après le démantèlement des grandes usines électrométallurgiques d'Arlo. Il paraît que ce sera bientôt un terrain de sport. Ce qu'il reste aujourd'hui des usines, c'est une promenade en ville. Il ne faut pas revenir au passé, mais il faut en tirer des leçons. Voilà. Et les leçons, c'est... Bon, il y avait beaucoup d'ambition aussi chez les personnes, comme chez toutes les ouvrières que l'on était. Bon, pour moi, mon ambition, elle était simple, comme on en avait tellement bavé, autant à Marseille, que là, mon ambition, c'était avoir le toit sur la tête et manger. Ensuite, bon, j'aimais lire, ça m'a sauvé la vie. Mais disons que, par exemple, toutes celles que je peux parler de toutes les personnes que j'ai là, elles avaient beaucoup d'ambition pour leurs enfants. Elles travaillaient pour que justement leurs enfants puissent, d'ailleurs, leur grand rêve, c'était qu'elles rentrent dans l'administration. Donc c'était une époque où on pouvait d'ailleurs pas faire autre chose, mais on pouvait rêver. On pouvait pas faire des projets, mais on en avait. Et je rappelle pour mes 20 ans, déjà la pomme, là c'est un beau jour hein, quand même. Hein. En plus, je m'étais acheté un petit poste de télé, un point bleu. La première musique que j'ai entendue pour mes 20 ans, c'est le Boléro de Ravel. Je ne connaissais pas. Ça m'a emballée. Et j'ai compris là, c'est toutes des choses qui étaient posées dans ma vie pour que je voie qu'il y avait des endroits où tu avais une évolution qui était possible. Une évolution à travers quelque chose que tu ne connais pas, justement, parce que la musique, ça t'apporte. Ça serait été maintenant, mais je serais certainement devenue chanteuse. Oui, et voilà. Mais on était assez libre dans notre personne. C'est une usine en tôle, là. Mais c'est des odeurs d'encre ici. On faisait vraiment de la belle lingerie. C'était l'époque où les soutiens-gorge n'étaient plus de mode. Une mitrailleuse, cette machine. C'était l'époque des Jacques Berkin. Et ils ont tout des gens qui ont mis En route, les aérosols à Bellegarde, il a voulu savoir beaucoup de choses. Il y a le patron. Alors lui, c'est la douche blanche, il sortait la blouse comme ça. J'ai vu les premiers autos, j'ai vu les premiers... Qu'est-ce que j'ai dit, là, le patron. Ils avaient grand, hein, la papeterie. Ben, c'était tout des piles de boîtes. Oui, tout. Bon ouvrier, là, Toto. Ah, ben une fois, puis ils sont il faillait brûler, là, moi. Parce qu'ils faisaient du carburant. Mais on aimait. Toutes les inventions du siècle, les sous-marins. Alors, plus tout tient gorge. Eh bien, je vous assure que ça a fait du tort. Vous venez d'entendre le documentaire réalisé par Simon Pochet, La pomme et le boléro. Saison. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit pour la fusille, ma France.